J'ai sculpté mes rimes monolithiques sous édifice large, sans vouloir en tirer une éthique ou bénéfice lâche. L'impression de mener une politique pour élitiste barge. Quand le nouveau souffle du rap nous fait des crises d'asthme, d'acné, le pire serait de me voir stagner ou régresser insultant les pauvres mères de ces fêlés qui se clashent. Hystérie pour dyslexique, crois pas classique m'excite blasé. J'ai vraiment fini là, c'est de ces vices terribles. Pareil que l'image du rappeur, c'est l'éternel juvénile. Quand tu feras les studios de Paname, j'irai faire du Vélib. Plus d'inspiration dans le ciel que dans vos fumées de spleen. Je vous l'avoue, de votre part je recherche aucune estime. Ma plume fait mine de se faire belle, pour leur dire de se faire mêle. Genre de la mine de fer et kick mes vers la ville de Verlaine. Leur cerveau rationnel étouffe les cœurs emplis d'empathie. La théorie ne fait pas l'homme si ce dernier est vide en pratique. Vide dans le principe, et Chétan fera l'effort. Sache que le soleil frappe fort, mais le ciel est gris en tracite. Après la pluie, que restera-t-il sous nos ombres? Les poètes roulent au songe, sur leurs épaules les hommes y prennent appui. Orateur, que reste-t-il de tes ratures? Y'a même pas de faux rappeurs, que de la vile littérature. Sans mauvaise intention, pas facile de faire un tube. Derrière vos récits ténébreuses dessinent vos vraies natures. Loin des rats qui prennent la thune, en font des châteaux de cartes maudits. Penses-tu au vrai sens de la vie quand des ados t'applaudissent. Malédiction ne touche que celui qu'en profite. Au fond, le destin du poète s'écrit à l'encre fine. Que les plumes des aigles royaux ne se confondent pas aux vautours. Quand des gars déloyaux autour te vendent le fond de leur boyau. C'est de l'art sur mesure, des miettes de seigle dans l'assiette. Ce monde règle tout à l'usure, mélange rap, variété et paillettes. Rien d'étrange quand c'est mes anges qu'ils baillonnent. De la petite frappe qui crayonne au mien Mike entre les phalanges. Artiste en chaussures Nike, poète suicidaire, pas de moette au frigidaire. Mon regard triste assure maniaque, maniaque dans mes écrits, loin de leur tube démoniaque. Mais du cœur à mes cris titube et demeure insomniaque. Le soir rêve de voir l'industrie en spectacle pyrotechnique. Elle me tacle mais ma technique dans de l'ivoire fut pétrie. Que mon savoir l'atteste entre bétail et fausse star. Ceux qui tournent leur veste sont ceux qui taillent des costards. Et les plus hautains médisent l'indépendant, ils boycottent. Sur sa cote fricote traficote pendant que certains me disent face quand est-ce que ça perce. Tant que les proches approuvent et qu'un peu de leur temps je berce. Plus aucun reproche ne m'éprouve. Fier du message, du sacrifice. J'ai mis ça au prix d'un 10, 3 pages, une pierre à l'édifice. Mis ça, moi et l'indice. Orateur, que reste-t-il de tes ratures? Y'a même pas de faux rappeurs, que de la vile littérature. Sans mauvaise intention, pas facile de faire un tube. Derrière vos récits ténébreuses dessinent vos vraies natures. Loin des rats qui prennent la thune, en font des châteaux de cartes maudits. Penses-tu au vrai sens de la vie quand des ados t'applaudissent? Malédiction ne touche que celui qu'en profite. Au fond, le destin du poète s'écrit à l'encre fine. La poésie de Monsieur Drummond refuse d'adopter le rap d'Arnold. Y'a des sous-culturés, des arts nobles. J'parle de factures, d'impôts, pas de voitures, dingo. Un rap mature, pinko, j'trouve que Nas écrit mieux qu'Arthur Rimbaud. Maintenant l'esclave prend sa part au maître. J't'annonce le taronnet, notre talent ne se mesure pas en nanomètres. Tu crois qu'il y a des gens malhonnêtes en bas des marionnettes en bois? J'ai mes codes, ma conduite, ton pas dans le panneau, mec. On part vers l'an, on se méfie de la police. Donc on nous diabolise, nos chants s'écartent comme la mer devant les bras de Moïse. J'essaye d'avoir des textes respectables, ni poète ni artiste, même pas intermittent du spectacle. Beau c'est dur, c'était nos leitmotiv. Moi j'ai poète trop deal, j'crois que le rappeur sera toujours un poète maudit. Une ville azdec, les azdecs et l'illicite labo. Obligé de te casse-dec quand j'parle de lyriciste. Pas là pour me faire sucer le chip ni pour des hassenet. J'ai aperçu Shakespeare dans mon HLM. Depuis l'époque de Big Daddy Kane, j'dédicace au vrai MC de Boboche aux villes d'Aquitaine. Orateur, que reste-t-il de tes ratures? Y'a même pas de faux rappeurs, que de la vile littérature. Sans mauvaise intention, pas facile de faire un tube. Derrière vos récits ténébreuses dessinent vos vraies natures. Loin des rats qui prennent la thune, en font des châteaux de cartes maudits. Penses-tu au vrai sens de la vie quand des ados t'applaudissent? Malédiction ne touche que celui qu'en profite. Au fond, le destin du poète s'écrit à l'encre fine. Le destin du poète s'écrit à l'encre fine. Et ça.